Diket nunc de la musique et des mots. Mon bruit est unique. Musique, paroles, Diket nunc, performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma 101.9 FM. Bonsoir et bienvenue ici à Radio Alma 101.9 à l'émission Iket Nunc Performance Sonore. Ce soir, on fera une émission entre nous, donc entre vous et nous. Ici, les voix seront moi-même, donc Juliette Alaki et Benjamin Bretel à la régie. Nous allons vous lire des textes. Nous allons vous présenter de façon approfondie le travail d'auteurs qui sont venus ici, que nous avons pu accueillir à Iket Nunc dans les semaines passées. Donc ces auteurs sont Gaëtan Saint-Rémy et Antoine Wouters. De Gaëtan, on va découvrir un projet musical auquel il participe qui s'appelle Elfemerance. C'est un projet d'improvisation musicale et on va avoir l'occasion d'écouter plusieurs morceaux en entier. Par contre, pour Antoine Wouters, nous allons vous présenter une revue à laquelle il participe. Il est un des éditeurs responsables avec Ben Arès, David Bishops et Raphaël Micoli. Et cette revue s'appelle Langue Vive. C'est une revue liégeoise de poésie. Et c'est le successeur de la revue Matière à poésie qui a été fondée, si je ne me trompe pas, par Ben Arès. Et après 21 numéros de l'ancienne revue Matière à poésie, ça a changé de mouture. Et maintenant, Langue Vive se présente à nous sous un nouveau format. Un format très joli, c'est... Il y a un dossier pour chaque auteur présenté. C'est édité en 4 numéros par an. Et je vous dis tout de suite, si vous avez, à la fin de cette émission, si vous auriez envie de contacter cette revue, c'est à l'adresse languevive@gmail.com que vous pouvez les contacter. Donc, nous allons entendre tout d'abord, lu par Benjamin, des textes de Richard Rognier. Puis, après une brève introduction plus musicale, nous allons avoir une version un peu spéciale d'un texte de Harry Spielman, suivi par le premier morceau d'Elfemerance qui s'appelle Climax Jazzy. Bonne écoute. Qui nous approche dans le noir, qui ose crier avec nous? Pourquoi rêver devant les portes closes? Quelle présence nous rassure parmi les flocons de neige qui saisissent les arbres avant de les endormir sous leur silence? Sagesse, nous hésitons devant la blancheur que nous n'avons pas su interroger. Nous n'avons pas voulu nous dresser devant la nuit froide. Faire confiance au tourbillon de la neige qui porte en elle la semence des souvenirs et l'enfance toujours vive qui pétille au fond. De nos yeux, nous sommes si loin du trouble qui nous grisait lorsque nous attendions la chaleur d'une main sur notre main pleine de vie. La nuit tombe sur tes épaules, tu pleures. Les jardins aussi, les jardins éreintés par la pluie et par cet opiniâtre, fraîcheur qui abrutit l'été, sauvage comme la pluie. La nuit croule sans fin sur tes épaules, tu ne vois rien venir qui pourrait éclairer les chemins engoncés dans ta mémoire. Tu restes là, immobile dans ta chambre, prêt, de tes livres clos comme des bouches muettes. Tu n'oses pas appeler au secours les poètes. Aimé, tu t'enfonces en toi-même avec sur les épaules le poids des longs regrets qui ne s'en iront pas malgré le pas chéri de l'ami qui revient dans la pluvieuse nuit. Les pierres qu'il y a bien longtemps mes parents avaient fait venir du flanc de la montagne pour adoucir plusieurs coins du jardin, je suis sûr qu'elles veillent, me protègent et partagent. Souvent mes doutes, mon amertume, je suis sûr qu'elles renforcent l'oubli salutaire et qu'il suffit que je les fixe longuement ou les frôle de la main pour que grandisse en moi une vague de douceur, une joie qui ne meurt pas, une joie qui répare mes journées, parce que l'oubli rapide est le mieux, dit Marc Guyon, le poète. Je fais confiance aux pierres des montagnes dont le silence affermit la plénitude du présent qu'il nous faut sans cesse arracher aux griffes du passé. Je ne cherche pas à revoir le luthier dont j'étais amoureux. Il était jeune comme moi, nous aimions l'aventure, les nuits complices, les ruelles découvertes au hasard des franches flâneries. Nos étreintes avaient la turbulence des bourgeons. Au printemps, où la rage des couleurs que déverse l'automne sur les feuillages, elles étaient sans histoire, nos étreintes, sans désir de laisser quelque chose de nous au chaud. Dans nos mémoires, nous étions là, seulement là, en équilibre sur la vie, loin des coups durs et des regrets, étables, palissandres, ébène, épicéa. Il parle de ces bois respectueusement, comme en parle toujours un vieux luthier qui fut son maître. Elle parle peu, mais on assure qu'elle réconforte les anges. Pas la effrayer un soleil d'automne, elle ne se plaint pas, elle se dit qu'elle aura toujours la tête dans les étoiles, qu'il passera encore beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'elle ne s'en aille dormir à jamais sous la terre qu'elle choya longtemps dans son jardin, où légumes et fleurs faisaient si bon ménage. Elle ne sort presque plus de chez elle, le dehors, lui, fait mal. Elle est certaine qu'elle partira sans autre regret que celui de n'avoir pas su aimer à temps l'homme qui vient lui tenir la main. L'homme qui se heurte à son silence, mais que les anges appelleront pour lui parler d'elle tendrement. Personne n'est plus soi-même quand la nuit guerrière s'annonce, personne. On sent que l'ennemi n'est pas loin, que chaque mur est dangereux et masque des fureurs prêtes à fondre sur nous. Or le ciel est plein d'étoiles filantes. On pourrait croire qu'il suffit de faire un vœu pour que tout rentre dans l'ordre, mais la lune sourit aux fenêtres, inquiète. Le monde semble paisible, il fait doux. On aimerait entendre des rires, des voix chantantes, pas ces tragiques coups de feu prêts à parler pour nous. On touche du doigt le désastre. Voici les premières fusillades. On s'effondre, on rampe. La mort boit comme un ivrogne forcené, le sang de ceux dont le chemin furent pourtant les mêmes. Une feuille sombre oscille dans le matin. Sans rides, une mésange chasse un moineau. Un peu trop hardi, une toile d'araignée. résiste depuis plusieurs jours. Entre. De Rameau, on sent que le poids de la mélancolie sur les jardins et les buissons. L'automne n'est pas loin, le ciel est un poids. Mort sur les montagnes où des fumées percent. La masse altière des sapins, on craint d'oublier. Les joyeuses voix de l'été et ses paroles, éphémères qu'on échangeait, la nuit avec des inconnus. On pressent des blessures, des brèches dans l'espoir. On voudrait désarmer le destin, prendre quelqu'un contre soi. Lorsqu'elle est si proche, s'annonce si bas. Dans l'ombre d'une massue, s'approche, proche, penche, lèvres, proche, ouvrant, proche, et le chaos, l'orchestration sur le fil impromptu de la faille, proche, le tranchant du ciel, proche, bas, proche, proche, le tranchant du silex, s'approche, se penche, le tranchant du silex et le foisonnement proche de l'été proche, bas, proche, du silex bas et le foisonnement de l'été proche, bas, le tranchant du silex et le foisonnement de l'été proche, bas, le tranchant du silex de l'été proche, le tranchant du silex et le foisonnement de l'été proche, bas, le tranchant du silex et le foisonnement de l'été, bas, le tranchant et le foisonnement de l'été, foisonnement de l'été proche, bas, le tranchant du silex et le foisonnement de l'été proche, du silex et le foisonnement de l'été, du silex accouplé et le foisonnement de l'été proche, bas, le tranchant contre ce ciel irrecevable que la lumière affronte, je trouve tranchant exil à mon point, foisonnement de l'été, je trouve exil à mon poids, tranchant du silex et le foisonnement, je trouve exil à mon poing, à mon souffle affamé du silex, parmi le blé, la roche tannée proche et le tonnerre enchevêtré du silex et le foisonnement contre ce ciel irrecevable que la lumière affronte, contre ce ciel irrecevable que la lumière affronte, je trouve exil à mon poing, à mon souffle affamé, bas, le tranchant du silex et le foisonnement de l'été proche, contre ce ciel irrecevable, contre ce ciel et le foisonnement, contre ce ciel, contre ce ciel, contre ce ciel irrecevable que la lumière affronte, je trouve exil à mon poing, mon souffle affamé, parmi le blé, la roche tannée, le tonnerre enchevêtré, contre ce ciel irrecevable que la lumière affronte. L'orage relève ses pierres, l'argile cercle ses épis brûlés, ses épis plus d'espérance. Le raffinement de sa torture le tient au seuil de l'expression, dans la confusion d'une jarre dépouillée d'échos, où la moindre feuille suture le moindre souffle. La sauge ne le touche plus, le grain ne l'attend plus. Sa dissidence n'arrête de vouloir louvoyer avec la mort, et ce vertige à l'infini le coupe de ses ressources. L'aridité des eaux éponge le sang d'une étendue soumise à sa distance. Tous ces signes, prisés, en avant de nous, sensiblement se soustraient. En exclusion s'effrite ou se brise dans les angles, dans les creux. Et cependant, que le débris épars pique la poussière, l'ombre vive du pendant naturel que nous sommes se réjouit du saisissement à la césure. Proche, bas, proche, bas, lorsqu'elle est si proche, s'annonce si bas. Thank you. Et voilà, nous sommes prêts à continuer cette découverte de la revue Langue Vive. On est sur le numéro 5 de décembre 2009. Donc, les prochains auteurs que nous allons vous lire sont Josep Palam i Fabre. J'espère d'avoir bien prononcé ce nom parce que je ne compte pas le catalan parmi les langues mon actif. Après cela, nous allons écouter un autre morceau d'Elphémérance qui s'appelle « Musique potentielle au fond d'un puits », ce qui est tout un projet. Et puis on enchaîne sur un texte d'Emmanuel Imhauser. Le Danube bleu. Le bleu est né dans la mer pour nous inonder. Il inonde la chambre, il inonde la pensée. Les nappes virent au bleu avant le dîner, et nul fruit ne se peut toucher qui ne soit bleu, de même que rien ne se peut manger qui ne soit lueur bleue. Les yeux bleus voient tout bleu, et les yeux verts tout verts, et les yeux noirs tout noirs. Mais nos yeux à nous changent de couleur à chaque instant et induisent à l'illusion que les choses sont changeantes. Seuls les yeux bleus ont cette propriété de permanence. Rien n'altère la vision bleue des choses, et la barque de la pensée, comme celle à rame, navigue au fil du bleu. Le bleu teint, déteint, il se synchronise avec le temps. Il a des maladies bleues, des heurtes bleues, des musiques bleues. Le bleu est toujours musical, depuis l'outre-mer jusqu'au ciel transparent. La flûte du berger est bleue. Il y a aussi des amours bleus. Il s'agit de celles qui se maintiennent pures quand les amants naviguent l'un dans l'autre au plus profond des yeux. Si le silence les accompagne, le bleu reste intact. Et on peut en arriver au baiser bleu, à l'étreinte bleue. Le bleu est plus pur que le blanc qui incite, qui excite, qui est nerveux et métallique. L'Immaculée Conception est vêtue de bleu ou porte au moins un feston bleu. Un ruban bleu dans la coiffure des fillettes et voilà qu'on n'ose plus y toucher. 14 décembre 1946. Négatif. Négatif. Sans flambeau, ils passent sur ma route. J'ignore ce qui les éloignait de mon visage. Maintenant, j'ai les dents carrées. Quand nous fermerons les yeux, nous saurons pourquoi nous attendions. Tout est rempli, nul espace pour les ombres. Où finit le tunnel ? Il me faut parler par la voix d'un autre. Quelqu'un doit parler pour moi. Je n'ai ni voix, ni face. Pour autant que je regarde, rien ne m'advient que la peur. Le noir sans consonance. 14 décembre 1946. Chapitre en blanc. Le blanc se fait désirer. Le viol commence. De laisser le blanc ou non? C'est que le délaissé revient toujours à le laisser à un autre. Tous les espaces en blanc sont pour moi, sont pour vous, sont pour le premier qui y touche. Tout est possible. Tout se cache derrière le blanc. Le blanc est toujours métallique, acéré, et il pique les yeux. Un vers sur une feuille, une tache sur la carte, une couleur sur la toile sont des fonctions élémentaires, essentielles, nécessaires. Mais un vert en appelle un autre. Une couleur seule, dans le blanc, paraît incestueuse, provocatrice, agressive, immorale. C'est une copulation par trop ostentatoire. À qui s'adresse principalement le blanc ? À notre plume, à notre intelligence, à notre pinceau ? À rien de cela. Le blanc s'attaque toujours à notre sexe. Il faut violer le blanc. Là-bas, une tache rouge dit son sang, le bleu dit sa mer, ou le vert sa profondeur. Il faut combattre l'inhumanité du blanc jusqu'à le faire pleurer, jusqu'à le faire gémir, jusqu'à lui faire avouer tous ses secrets, l'obliger à se mettre à nu. Alors peut-être nous dira-t-il, sur un ton désespéré, les nuits passées devant le feu dans la tente et la tristesse dans le gris de la main. Où serons-nous d'une passion gardée entre les dents sans même un morceau de pain à mastiquer? Ou encore nous dira-t-il dans le creux de l'oreille ce matin si pur qu'il porte caché sous l'arc du sourcil? Nul marbre de graisse derrière le blanc. 14 décembre 1946. L'or n'est pas jaune. Ce n'est pas le jaune que je chante, mais bien l'or. L'or des rétables, l'or de nos rêves, le nombre d'or, le feston d'or, les corps dorés de l'âge d'or. Les enfants parlent de couleur d'or. Les choses jaunes sont autres et toujours inférieures. Mais elles ont pour y voir le regard d'or que nous-mêmes avons perdu. Nous autres, les hommes au regard jaune. 23 décembre 1946. Le premier amour. Il faut se lancer droit devant sur le vermeil avec une épée, lui faire mal, lui rappeler que toute notre vie dépend de lui, que nous sommes le taureau et la muleta. Rouge et vermeil, quelle importance! Le vermeil est lui-même jusqu'à la folie. Peut-être regardons-nous le bleu, mais c'est toujours le vermeil que nous étreignons. Aller jusqu'à la blessure avec le vermeil pour qu'il saigne. Le vermeil ne tolère aucune autre couleur. Il tue qui ose l'affronter, comme le taureau. Le vermeil est un taureau. Le taureau est vermeil. Le vermeil est la seule couleur qui nous regarde en face. Ni de biais comme le jaune, ni d'œil bas comme le lilas. Notre espoir est vermeil, hypocrite quand nous le disons vert. Représentez-vous le vermeil, l'épée à la main. J'ai épuisé le vermeil avec mon premier amour. 14 décembre 1946. Cul de bouteille. Le fond de la mer est vert. Vert est le fond de tous les yeux, si vous y regardez bien. Le vert est la couleur de toutes les profondeurs. Les crimes sont verts, les conspirations sont vertes, l'envie est verte. Dans les culs de bouteille est embusqué le venin de toutes les perversités. N'interrogez jamais un coup de bouteille, ne cherchez pas à connaître ses secrets. Dans le dos vous sera planté un poignard qui lui aussi est vert. Il y a les grands yeux verts de Lady Macbeth, toujours ouverts. Les petits yeux verts de toutes les sorcières du monde. Les serpents verts. Parfois le vert s'habille pour la fête et se présente dans un vêtement engageant. Mais qui sait regarder jamais ne pourra s'empêcher de voir. Sous cet habit printanier d'arbres cachés par la feuille, la mauvaise attention tapille. Vert tendre, dites-vous? Le plus tendre des verts est mille fois plus avisé que le plus frappant des rouges. Le vert y va toujours par des voies alambiquées. À peine avez-vous compris que déjà il vous a pris l'ami, l'amante, la femme. Les yeux des chats sont verts. Ceux du sphinx aussi étaient verts. Et quand nous haïssons, tous nous avons les yeux plus que verts. 16 décembre 1946. Orange. Il voulait être vermeil et ne le put. Il ne sut en rien aimer. Il ne sut pas se donner. La furieuse description des événements l'épouvantait. Peut-être aurait-il honte d'être vermeil. Il avait le pli des pantalons toujours bien tirés, l'arrêt des cheveux bien faite et jamais rien d'agressif. Tout au plus peut-il parvenir à se changer en femme et à vous passer les mains autour du cou dans un geste qui peut aussi bien être celui de la mère que celui de la fille, de l'amante ou de la femme. Il sait aimer, mais le mot amour a pour lui une dimension dérivée. Affection pour lui veut dire confiance, fidélité, tendresse, au lieu de abandon et possession, faim et morsure. Les hommes y arrivent quand le tube de vermeil est vide, l'orange et le vermeil de la nuit. 23 décembre 1946. Oh, my God. Mais il traverse des lendemains de neige. Il disperse d'un geste les flocons de l'été. Et puis il rit. Il sourit en le voyant se perdre et disparaître au loin. Il est fou allié. Les murs s'écroulent dans mon jardin. Est-ce un signe ? Les pierres et les briques tombent dans mon jardin. Est-ce un signe ? Il fait beau ce lundi 12 mars. Est-ce un signe ? J'ai retourné la terre, vu un gros ver que j'ai épargné. J'ai mis les pierres et les briques en tas. J'ai regardé longtemps la terre ratissée, la perspective des jardins en terrasse, jusqu'au grand marronnier sans feuilles. Je n'ai pensé à rien. J'ai vu les bourgeons du cassis, du noisetier et des pivoines. Je me suis assise sur le banc écarlate. Je n'ai rien dit. J'ai repris l'escalier de pierre. J'ai été chercher la fourche pour retourner les endroits, sans herbe afin de pouvoir réensemencer plus tard. J'ai creusé. J'ai jeté les pierres. J'ai aplani la terre ce lundi 12 mars. Ne soyons pas pessimistes. Il y a encore le pin. Le derme des arbres magnifiques. La croûte du gâteau aux groseilles bien rouges. Le baiser convoité sur les lèvres si douces. Le cœur en éventail. Et la bouche laiteuse des enfants rassasiés. Puis il y a le sel, la peau. Les papilles en alerte. La mère presque parfaite. Les bras qu'on attendait qui vous enlacent sans fin. Non, ne soyons pas pessimistes, puisqu'il y a le vin, la pêche, les fossettes du rire, la parole rêvée que l'on entend soudain, et le cœur aux abois, dans le vide probable. Les outils du jardin alignés sous la table, puis le parfum du ciel, les goûts bleus du soleil, et la taupe endormie dans son coin de terreau ronflant noir. Bruxelles, Paris, New York. C'était si facile à 20 ans d'imaginer le pont d'Alma et se voir assis dans les parcs de ces villes somptueuses et si proches qu'il suffisait de les citer pour sentir les effluves suaves s'insinuer sous notre porte. C'était si facile à 20 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'ai compris que je resterai sur le banc. En tout cas, très longtemps. Assez de temps pour entendre parler des autres. Ceux qui y sont allés vraiment et se sont assis dans les parcs et qu'on a applaudi des deux mains dans les théâtres de New York, dans ces villes somptueuses et si loin. La sauce était en train de cuire et ça sentait bon le laurier. Un été à nouveau pluvieux. L'odeur du gris dans la cuisine. La rouille déposée sur l'acier. Et pas même le chant de la pie. Putain de ville, pourquoi fallait-il rester là? Fallait-il déborder, débarquer, bifurquer vers les Carpates ou les vallées de Roumanie? Même les mousses n'avaient pas soif. Putain de ville. Fallait-il larguer les amarres, planter le camp? Un peu plus bas, un peu à l'ouest, vers les côtes de Costanza? Nous fallait-il plier bagage, tourner la page et se mettre à parler le roumain? Putain de ville. Tout ce qu'on dit sans l'écrire, ce qu'on écrit sans le dire, dans l'odeur de la craie verdâtre, dans l'interstice de la brique humide, dans la musaraigne crevée, au pied de la caisse éventrée, à gauche du tuyau de gaz. Tout ce qu'on dit, qu'on a écrit, tout ce qu'on n'a jamais dit, tout ce qu'on n'a jamais écrit à l'autre, tout ce qu'on ne dit pas qu'à l'autre, tout ce qu'on écrit pour l'autre, tout ce qui ne s'écrit pas, tout ce qui ne se dit pas. Papille, peau, papille, peau. Repose tes doigts tranquilles sur les phalangettes exquises, ossature délectable dans la paume prometteuse, et plus rien ne s'écrira. La phrase s'organise avec ces mots de lune, de courbure et d'espace. Elle s'écoule, infinie dans un berceau géant. Le rythme qui l'agite, lui, injecte le flux d'un sang miraculeux qui migre vers la horte, des tempes imbibées. L'abîme est parsemé des blancs de la conscience qui guide la boussole de ce grand voyageur. Quand les mots naissent au monde, étalés sur la page, ils vérifient encore le trajet qu'ils ont fait. Ils rassemblent alors les points et les virgules et jettent sur la feuille les lames invisibles de l'océan humain, cette poche marine. Puis, regardant au loin l'aube d'un nouveau jour, ils se demandent encore à quoi ils ont rêvé. Donc, on est déjà arrivé à la fin de ce parcours. On est presque à la fin de notre heure. Donc, je vous rappelle le contact de la revue Langue Vive. Donc, c'est languevive@gmail.com. C'est une revue de Liège et ils sont très ouverts à des nouvelles voix à éditer. Donc, contactez-les si vous avez envie. Quant à nous, Iketnung, ici sur Radio Alma, je vous donne rendez-vous en 2010 avec des nouvelles émissions. Donc, Benjamin Potel à la régie et Juliette Alaki au micro. On vous souhaite à tous un début d'année très poétique. Et d'ici là, on vous laisse avec un dernier morceau d'Elphémérance, Knock Mazout.